La revanche par Binet Balmer. Quand le vieillard comprit qu'il allait mourir, il posa la main sur la tête de l'enfant qui le contemplait et dit d'une voix étrange « Mon fils ». Alors les amants, debout au pied du lit, regardèrent avec inquiétude celui qu'ils trahissaient depuis 8 années. Mais lui, fermant les yeux, ne daigna plus parler et bientôt il mourut. C'était Jean Chartorel, l'illustre poète. Le lendemain, le pays retentit de son nom. Une foule immense, qui écoutait chanter dans sa mémoire des strophes aimées, accompagna jusqu'au cimetière une jeune femme qui pleurait et que suivait un petit garçon étonné. À l'instant où l'on descendait le cercueil du corbillard, Madame Chartorel s'évanouit. Aussitôt, Fernand Leval se précipita vers elle et l'emporta dans ses bras. L'enfant courait à côté d'eux. Ils revinrent ensemble dans la maison où persistait l'odeur de la mort et des lilas. Madame Chartorel et M. Leval s'enfermèrent dans une chambre, tandis que Rouget, sa gouvernante, classait, pour se distraire, les innombrables télégrammes adressés à la veuve et à l'orphelin. « Jusqu'à présent, n'est-ce pas, vous devinez la banale histoire ? » 10 années avant ses funérailles, le génie de Jean Chartorel avait ébloui une jeune fille. Claude avait voulu connaître le grand poète. Elle l'avait aimé de toute la force imprudente d'un cœur ignorant. Le vieil écrivain s'était laissé émouvoir par cet enthousiasme qu'avaient détruit vite, hélas, les incidents monotones de la vie conjugale. Et Fernand Leval était venu. Il avait 30 ans. Il était poète lui aussi et le disciple de Jean Chartorel. Il n'avait pas beaucoup de talent et son âme n'était pas très jolie, mais il avait de l'audace, de la gaieté, de l'insouciance et cela suffit. Dans la chambre où il s'était enfermé, Madame Chartorel et M. Leval se taisaient. Claude ne pleurait plus. L'angoisse qui les tenait depuis que la mort les avait libérés pesait sur leur conscience. Soudain, Madame Chartorel murmura « Je veux voir Rouget ». Et Fernand Leval alla chercher leur fils. Oh, ils avaient beaucoup souffert jadis, avant de se résoudre à lui laisser porter le nom de l'autre. Ils avaient trop de littérature pour être simples dans le crime. Ils avaient parlé de fuir, d'échapper aux mensonges, de vivre noblement. Mais l'âge devant l'avenir, et pour excuser leur faiblesse, ils s'étaient attendris sur le sort de Jean Chartorel, qu'il leur faudrait abandonner. Et ils étaient restés dans leur infamie. Ils en avaient pris l'habitude. Ils l'avaient oublié peu à peu. L'âge du vieux poète les y avait aidés. Quand Jean Chartorel jouait avec leur fils, il leur semblait que c'était un grand-père qui souriait à son petit enfant. Ils pensaient, puisqu'il ne sait pas, il n'est pas malheureux, et puisqu'il n'est pas malheureux, nous ne sommes pas coupables. Mais ce triste jour, ils n'avaient plus leur commode certitude. Ils étaient poursuivis par la dernière parole du moribond. Ils entendaient sa voix étrange. « Mon fils », avait-il dit. Et jamais auparavant, il n'avait appelé Rouget ainsi. Il l'appelait « jeune canaille ». Il l'appelait « Roro ». Il l'appelait « mon petit ». Jamais, jamais, il ne l'appelait « mon fils ». Était-ce une ironie suprême ? C'était mieux. Jean Chartorel n'avait pas été aveugle. Il s'était résigné, il avait eu pitié de Claude et de lui-même, qui restera seul. Il avait été très malheureux. Cependant, une idée l'avait soutenu. L'enfant, qui portait son nom, le vengerait. Et quand il avait dit, avant de mourir, « mon fils », il voyait sa revanche. Ne trouvez-vous pas que l'histoire devient moins banale ? Elle m'a été racontée par le seul confident de Jean Chartorel, un pauvre libraire du quai Malaquais. C'est mon ami. Je trouve plaisir à l'écouter. Il abonde en déductions ingénieuses. Tenez-le pour responsable de mon récit. Ce psychologue affirme que Jean Chartorel, plein de confiance dans son œuvre et sa gloire, avait prévu tout ce qui est arrivé et s'en réjouissait. Il arriva d'abord que, pendant les premiers mois de son veuvage, Madame Chartorel s'occupa de nouveau des livres qu'elle avait tellement aimés. Il est vrai que ce fut en héritière et pour les vendre. Néanmoins, elle apprécia mieux son mari en constatant le respect qui l'entourait. Et lorsque le deuil prit fin, lorsque Fernand Leval proposa à Madame Chartorel de l'épouser, Madame Chartorel répondit « Attendons ». Ils attendirent pendant des années. Rouget grandit. Il entra au lycée. Il écouta, en rougissant de plaisir, les allusions que ses professeurs faisaient devant lui au génie de Jean Charterel. Roger était intelligent et il avait le goût des lettres. Il entreprit de lire ses poèmes tant vantés. Il les lut et en devint amoureux. Ils ont une telle grâce que tous les jeunes hommes les adorent. De l'œuvre, l'amour monta vers l'auteur. Roger voulut connaître la vie de celui qu'il avait si peu connu. Sans cesse, il interrogeait sur Jean Charterel, sa mère et M. Leval. Elle lui répondait avec empressement, M. Leval avec impatience. Un jour, M. Leval tenta de mettre ses propres livres sous les yeux de son fils. Ce fut désastreux. Roger feuilleta les volumes. « C'est bien mauvais, » dit-il à Mme Charterel. Et à Fernand Leval, il en parla trop poliment. M. Leval commençait d'expier. Il aimait son fils. Il n'avait plus d'autre raison de vanité, et sans vanité, ce méchant artiste ne pouvait vivre. Il ne gardait point d'illusion sur sa carrière. Toujours, il serait incompris. Désespérément, il s'attacha au désir d'épouser Mme Charterel. Ce serait encore toucher à la gloire. Il suppliait Claude. « Marions-nous, » lui disait-il, « pour que je puisse diriger notre enfant dans la vie. » Mme Charterel ne savait pas se défendre. Elle céda devant cette obstination. Mais quand elle parla de ce projet à son fils, Roger devint pourpre de colère. À cette époque, il avait 17 ans. Il s'emporta. « Troquer ton nom contre le nom de ce raté, y songes-tu ? » Il prononça d'autres paroles violentes, puis tout à coup s'interrompit et les sourcils froncés détourna la tête. Mme Charterel quitta la chambre. Le soir même, elle reprit la parole qu'elle avait donnée à M. Leval et supplia son ami de s'éloigner pendant quelques mois, parce que Roger avait des soupçons. Déçu, M. Leval fit un long voyage. À son retour, Mme Charterel lui annonça une nouvelle qu'elle n'avait point osé lui écrire. Leur fils n'avait de goût que pour la poésie. Il avait écrit des poèmes, il avait trouvé un éditeur, son premier livre allait paraître. M. Leval haussa les épaules. Il proposa dédaigneusement de relire les épreuves. Roger les lui apporta avec le manuscrit. Sur la première page, M. Leval aperçut ses dédicaces. « À la mémoire de Jean Charterel, mon père bien-aimé. » Et, poursuivant sa lecture, il comprit que ces dédicaces n'étaient pas mensongères. L'indiscutable talent de Roger était fils du génie de Jean Charterel. M. Leval ferma le manuscrit, repoussa les épreuves et regarda le jeune homme. « Pourtant il me ressemble, » songeait-il. « Mais qu'est-ce donc une ressemblance de visage et de taille ?» Fernand Leval soupira, murmura quelques phrases élogieuses, prétexta une migraine et s'en alla, tête basse. Il ne franchit plus jamais le seuil de cette maison. Il quitta Paris, la France. Il est mort l'année dernière aux Indes. Mon ami le libraire m'a conduit l'autre soir chez Roger Charterel. Nous l'avons trouvé dans son cabinet de travail. Près de lui, sa mère sommeillait. Contre les murs, il y avait 3 grands portraits de Jean Charterel. Et j'ai cru les voir sourire, tandis que Roger me parlait avec fièvre de son père, qui est mon poète favori. C'était La Revanche par Binet Balmer.